qu'il est con. Le con. Ce con est méchant lion. Il envoie sa femelle pour remplir sa gamelle. Ils se sont supérieurs dans toute cette chaleur. Mais il n'est rien d'autre qu'un simple extranaute. Il est crasse et frère avec ses grands airs. Sans pitié, sans respect, sans même l'ombre d'un regret. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là pour protéger cette jungle. À l'ère de l'évolution, ce n'est que subduction. Parmi tant d'autres encore, juste un meuble dans le décor. C'est la dure loi de la jungle qui dure et qui persiste. Faut qu'on soit optimiste pour rester humble. C'est la dure loi de la jungle qui